France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est à la femme seulement de décider si et quand elle veut être mère, car sur notre corps, notre droit est absolu. Cette phrase n'a pas, comme on pourrait le penser, été prononcée dans les années 1970, mais fut publiée dans une brochure intitulée « L'émancipation sexuelle de la femme » en 1911. Née en 1874, son auteur, Madeleine Pelletier, est une figure singulière dans ce foisonnement féministe qui caractérisa la Belle Époque. Médecin, première femme interne des asiles, franc-maçonne, anarchiste, elle milita pour le droit de vote des femmes, affirma l'existence du désir féminin, revendiqua le droit à la contraception et même à l'avortement, tout en assumant pour elle-même une chasteté militante. Autant de positions radicales qu'éclaire en partie une vie mouvementée qui finit de façon tragique puisqu'elle mourut internée d'office dans un asile psychiatrique en 1939, accusée d'avoir aidé une jeune fille violée à avorter. En 2017, Céline Duchesnay lui consacrait un volet de l'émission « Une vie, une œuvre » et mettait en lumière ce parcours atypique. Madeleine Pelletier, une femme d'avant-garde, une émission réalisée par Christine Robert et diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 septembre 2017. Alors, je vois une jeune femme aux cheveux courts, très courts, brossés en derrière, avec le regard très direct, très sérieux, assez combatif. Mais alors, cette visage tout à fait régulière. Un visage rond, mais pas jovial. Un air un petit peu grave. Elle ne sourit pas, non, elle ne fait pas, c'est pas pour plaire. Elle aurait pu, comme on aurait dit, être jolie, mais elle ne veut pas paraître jolie, c'est très clair. Si elle avait les cheveux longs, bouclés, etc., on aurait dit, oh, mais elle est très belle. Je vois plutôt une féministe qui a, peut-être qui n'a pas appris à sourire, parce qu'elle a une vie, une enfance assez triste, peut-être. Mais qui a aussi peut-être désappris le sourire. Madeleine Pelletier ne veut pas utiliser ce type d'arme qu'elle estime réservée aux femmes asservies, qui s'abaissent à utiliser les armes de la séduction féminine, donc on ne sourit pas. Elle porte une cravate plus ou moins masculine, elle porte des pantalons. Une costume masculine, maintenant, nous pouvons tous porter des pantalons, n'est-ce pas? C'est pas grand-chose. On oublie comment c'était difficile. Et c'était une chose vraiment choquante. Madeleine Pelletier, une femme d'avant-garde. On la voit habillée en homme, mais totalement. Le costume, veste, pantalon, la canne, le chapeau melon. Elle est habillée comme un homme ordinaire dans les années 1910. Et ce qu'elle dit d'ailleurs, c'est qu'en se promenant dans la rue, comme ça, elle n'est pas, on ne la dérange pas. N'est-ce pas? Parce qu'il faut, enfin, les femmes étaient, en se promenant seule dans la rue, une femme était une proie. Ce serait peut-être un peu exagéré de dire que c'est la femme de ma vie, mais c'est une rencontre intellectuelle majeure pour moi. Je l'ai rencontrée au cours de mes recherches dans le cadre de ma thèse sur l'histoire des féminismes en France entre 1914 et 1940. Et Madeleine Pelletier était la figure la plus radicale et aussi extrêmement atypique, anticonformiste. L'ampleur de ses publications était impressionnante et elle faisait aussi écho à mes idées féministes. Donc je voyais en Madeleine Pelletier une précurseuse de l'analyse en termes de genre, de avant Beauvoir, voilà, que j'admirais beaucoup avant de connaître Madeleine Pelletier. Et la vie de Madeleine Pelletier m'a autant touchée que son œuvre, en fait. Cette vie tellement pleine de courage, et je crois que ce que j'admire vraiment par-dessus tout, c'est qu'elle ait mis en acte ses positions militantes et pratiqué des avortements, bien évidemment, à ses risques et périls, et qu'elle les payait si cher. Pour ça, j'ai vraiment une admiration éperdue. J'ai rencontré Madeleine Pelletier dans mes lectures féministes, mais il y a une brochure que j'ai achetée un jour lors d'une rencontre féministe qui m'a fait avoir le coup de foudre pour Madeleine Pelletier. Parce que cette brochure, elle est très simplement expliquée, il y a des photos et il y a surtout beaucoup de citations de Madeleine Pelletier et qui sont mises en parallèle avec des citations de féministes contemporaines. Et c'est là que l'on réalise à quel point elle avait 50 ans d'avance sur ses contemporaines à elle. Donc, si vous voulez, elle détonnait complètement. Et puis, ça a été une activiste. Hein, elle a cassé des carreaux un jour de vote, parce que pour protester contre le fait que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Elle a lancé des tracts à l'Assemblée. Enfin, vous voyez, elle avait peur de rien. Donc ça m'a plu, ça m'a rappelé quand même les années 70 aussi, où on osait certaines choses. Il faut se rappeler qu'en 1970, le féminisme était vraiment à ses débuts. À cette époque-là, j'avais une soif de justice sociale. Nous n'étions pas encore dans l'habitude de penser à l'oppression des femmes comme un sujet principal. J'ai commencé ma thèse en étudiant l'opposition de la guerre de 14. Je suis tombé sur des groupements féministes qui s'opposaient et qui avaient été ignorés des historiens, surtout parce que femmes. Et c'est là où j'ai trouvé Madeleine Pelletier, dans les dossiers des renseignements généraux pendant la guerre, qu'elle était traquée comme beaucoup de militantes pour son opposition à la guerre. Et cela m'a renvoyé à son œuvre et sa vie, et son militantisme très actif m'a fasciné et me fascine toujours. Puisque vous avez passé une très grande partie de votre vie professionnelle de chercheur universitaire à apprendre et découvrir encore plus de choses sur l'histoire de Madeleine Pelletier. Elle ne vous a jamais quitté, certes. Charles Sauerwein. Presque jamais. On peut peut-être rappeler les dates de Madeleine Pelletier, donc qui est née en 1874 et qui est décédée en 1939. Est-ce que vous pourriez, Christine Barr, nous retracer l'enfance de Madeleine Pelletier qui a eu des conséquences très fortes sur ses choix, sur ses écrits et sur sa vie ? Elle est née le 18 mai 1874, donc à Paris, dans le 2e arrondissement, 38 rue des Petits Carreaux. Son père est Louis Pelletier, 43 ans, cocher de fiacre, invalide à la suite d'une attaque cérébrale survenue quand Madeleine avait 4 ans. Et sa mère, c'est Anne Passavi. Ce qui est très surprenant, c'est qu'elle a eu 12 grossesses et que seulement 2 enfants ont survécu. Par ailleurs, Madeleine Pelletier souligne beaucoup aussi que sa mère n'était pas une femme aimante. Elle était très rude avec elle. Et puis, il y avait la pauvreté, voilà, la grande pauvreté de ce petit commerce de fruits et légumes que finalement elle gère. Donc voilà le climat, la situation sociale de Madeleine Pelletier, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Madeleine, elle s'appelle Anne, comme sa mère, et elle choisit un autre prénom pour se distancier d'elle, bien évidemment. Alors moi j'adore le début de Mémoire d'une féministe. Je peux ? Il commence de cette manière. Je puis dire que j'ai toujours été féministe, du moins depuis que j'ai l'âge de comprendre. Tout enfant, les dictons sur la moindre valeur des femmes qui revenaient chaque jour dans les conversations me choquaient profondément. Lorsque, dans mon ambition puérile, la tête farcie de récits d'histoire de France, je disais que je voulais être un grand général, ma mère me rabrouait d'un ton sec. Les femmes ne sont pas militaires, elles ne sont rien du tout. Elles se marient, font la cuisine et élèvent leurs enfants. J'étais une enfant précoce, j'avais une grande indépendance de caractère. Tout ordre dont on refusait de me donner les raisons me révoltait. Et à 13 ans, je quittais le soir le domicile de mes parents pour courir les réunions politiques. Et au niveau des études, que fait Madeleine Pelletier ? Elle va à l'école ? Alors, elle n'est pas du tout encouragée à faire des études par sa mère. Elle est une brillante élève, mais à 12 ans, elle décide de quitter cette école où elle est malheureuse, plutôt rejetée par les autres élèves et par les professeurs. Et grâce à la fréquentation de cercles anarchistes, elle va revenir vers les études en autodidacte, puis passer le baccalauréat à 22 ans. Et là, on sent qu'elle va compenser tout ce déficit narcissique qu'elle a accumulé tout au long de son début de vie en développant une ambition hors du commun, en s'élevant par le savoir. Et déjà, cette politique, le goût de la politique, puisque avec les anarchistes puis les socialistes, elle trouve, et les francs-maçons, puisqu'elle fréquente des médecins républicains, progressistes, francs-maçons. Là, elle va trouver des nourritures intellectuelles et des personnes qui vont l'encourager dans cette ambition si atypique pour une femme et pour une femme pauvre, puisqu'elle va faire des études de médecine et s'intéresser alors à la fois à l'anthropologie, mais sous l'angle des capacités cérébrales et de la craniologie. Et puis la médecine de l'esprit avec la psychiatrie, elle va soutenir une thèse de psychiatrie. Donc venant d'un milieu aussi pauvre et aussi démuni culturellement, même si elle dit que sa mère est quand même une femme intelligente, quoique pas du tout cultivée, elle est une miraculée sociale. En 1898, à l'âge de 24 ans, Madeleine Pelletier commence ses études de médecine. À l'époque, sur 4500 étudiants inscrits à la faculté, on ne compte que 129 femmes. Elle décide de se spécialiser en psychiatrie, soutient brillamment sa thèse et entre à l'internat en 1904 à Sainte-Anne. La chose n'est pas si simple qu'elle n'y paraît, car pour pouvoir accéder au concours d'entrée de l'internat, les candidats devaient pouvoir jouir de leurs droits politiques, ce qui excluait d'office les femmes qui n'avaient pas le droit de vote. Ce sera le premier combat de Madeleine Pelletier. Avec l'aide notamment de La Fronde, le journal féministe de Marguerite Durand, elle réussira à obtenir gain de cause et à faire changer la loi. Elle deviendra ainsi la première femme interne des hôpitaux de Paris. Il y a très peu de photos de Madeleine Pelletier. Florence Citoyenne. Voilà. Donc c'est la photo que vous avez trouvée. Alors c'est une photo qui date de 1904. Et c'est une photo que je trouve extrêmement émouvante. Là, Madeleine Pelletier a 30 ans, hein, en 1904. Elle est assise devant sa table de travail, dans son bureau de Ville-Évrard, donc un des asiles dans lesquels elle a fait des stages dans le cadre de son internat. Et là, pardon, le regard, je trouve, est encore empreint d'une certaine candeur. Je trouve qu'il se dégage une certaine douceur de cette photo qu'on ne retrouve pas dans les photos postérieures. Ce qui est intéressant aussi dans cette photo, donc elle est assise à sa table de travail, elle a à la main un porte-plume, elle est en train d'écrire sur un registre ou sur un cahier. C'est une époque où elle a commencé à rédiger des articles pour des revues scientifiques, médicales. Sur cette photo, Madeleine Pelletier est en blouse blanche. Oui, elle est en blouse de médecin. Elle a les cheveux coiffés en arrière, on dirait qu'ils ont été un peu gominés. Elle rêve en fait d'une carrière scientifique plutôt dans la recherche. Et ce rêve ne sera pas... Elle aura quelques publications scientifiques dans des revues d'anthropologie et puis de psychiatrie, mais elle ne va pas réaliser vraiment ce rêve. Elle n'exercera pas comme psychiatre, elle n'a pas eu la deuxième partie du concours. Elle est tellement déjà dispersée par dans ses activités militantes qu'elle n'est pas en mesure de préparer sérieusement la suite. Donc elle sera médecin. Enchantée, Céline Duchesnay. Bonjour, merci de vous accueillir au musée. Le musée d'histoire de Sainte-Anne. On a un certain nombre de renseignements sur quelques problèmes qu'elle a rencontrés du temps où elle était interne entre le 1er février 1906 et le 30 avril 1908. Alors le premier document... il a été publié, mais il est passé pratiquement inaperçu, il a été publié dans les procès-verbaux de la commission de surveillance des asiles de la Seine. Une demande d'indemnité de nourriture à la place des repas qu'elle ne voulait plus ou qu'elle ne voulait pas prendre sur place en salle de garde, qui lui aurait permis d'échapper donc à ses collègues masculins. Et puis des notes signalétiques. On indique essentiellement, par exemple, qu'elle connaît une langue étrangère qui est l'allemand, qu'elle a eu la médaille d'or des épidémies. Et puis une lettre qui est écrite par Madeleine Pelletier au directeur de l'hôpital, qui est datée du 28 janvier 1908. Donc c'était pas très longtemps avant la fin de sa quatrième année d'internat. Je suis venu vous trouver ce matin pour vous prier de bien vouloir mettre bon ordre à des tracasseries dont je suis l'objet de la part des internes de l'asile. Ils ont l'impudence de vouloir me faire payer les frais de salle de garde alors que je ne profite pas des avantages de la salle de garde et que je n'y vais jamais. Vous vous souvenez de plus peut-être que si j'ai cessé d'y aller, ce n'est pas pour me mettre dans une situation particulière, mais bien à la suite des tracasseries incessantes de mes collègues. Je dis tracasseries pour ne pas employer un mot plus fort, en même temps que plus juste. Ces messieurs prétendent maintenant m'empêcher qu'on me donne ma part de nourriture. C'est pour cette raison que j'interviens auprès de vous. On m'envoie 5 fois sur 6 du café réchauffé restant de la veille. Jamais ou presque jamais je n'ai de pâtisserie, alors que la salle de garde en a, je crois, 1 fois ou 2 par semaine. Enfin, fait qui me montre jusqu'où peut aller la haine de jeunes gens à qui je n'ai fait aucun mal, on m'a servi une fois une bouteille de café bouchée avec un fragment de tuyau à gaz, souligné. Je me suis mise hors de la salle de garde pour avoir la paix. Il paraît que cette paix, ces jeunes gens, ne veulent pas me la laisser. Est-ce que cette lettre de Madeleine Pelletier est assez révélatrice de la présence d'une femme dans ce milieu de psychiatrie ? Alors, la présence d'une femme, mais aussi la présence de Madeleine Pelletier, puisque Constance Pascal, qui a été reçue au même concours de l'internat en 1903, ne semble pas avoir rencontré de telles difficultés de la part de ses collègues masculins. Madeleine Pelletier était, du temps où elle était interne à Sainte-Anne, déjà très engagée politiquement. Elle portait une tenue qui, pour un certain nombre de ses contemporains, était considérée comme soit excentrique, soit provocatrice, soit témoignant d'une névrose ou d'une attitude excessivement radicale. Et assez vraisemblablement, elle-même n'a pas accepté ni compromission, ni même compromis. Ceci étant, l'attitude de beaucoup de médecins hommes de son temps était marquée à la fois par une misogynie affirmée, publique, et par une tendance à refuser la présence des médecins femmes dans les hôpitaux. Attendez, voilà. Voilà. Félicia Gordon, qu'est-ce que vous sortez de votre sac ? Voilà, j'ai apporté quelques textes assez clés, je crois, de Madeleine Pelletier. Ouais. Alors ça date de 1904. Elle est en train de tâcher de voir s'il y avait des arguments rationnels et scientifiques contre ou pour l'idée de l'infériorité des femmes. Comme les autres hommes, les savants sont donc pénétrés de ce mépris suranné de la femme. De la prétendue infériorité anatomique et physiologique des femmes, les antiféministes ont conclu naturellement à son infériorité intellectuelle et morale. Il y a environ 50 ans, on disait que la femme ne pourrait jamais entreprendre les études supérieures. Aujourd'hui, comme elle y réussit, on se rabat sur les détails. La femme, dit-on, n'apprend qu'avec sa mémoire. J'ai entendu ça même moi-même. Quant aux études, si elles sont vraiment pour l'homme des humanités, c'est-à-dire des moyens par lesquels il devient capable de se diriger lui-même et, au besoin, de diriger autrui, pour la femme, elles ne sont qu'une parure, un charme de plus. Et quant aux carrières libérales, on ne les considère guère que comme des pis-aller. La vraie carrière, c'est le mariage. As-tu de mariée, de fleurs toutes fleuries, gravit d'un pas tremblant le seuil de la mairie. Devant monsieur le maire et son ventre écharpé, elle répond oui, oui, d'un ton mal assuré. Festin, danse, chanson, elle est sa légitime, et l'on entend sonner minuit, l'heure du crime. Alors tous les dessous, dans un coin vont rêver, au lit elle se demande, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est de la timidité et de la chasteté, c'est de l'ingénuité et de la curiosité. Mais le mari arrivé, c'est de la dureté, c'est de la cruauté et de la férocité. Imprudente, où vas-tu? Le diable te tente, t'es perdu, car ce soir, dans le noir, tu perdras tout espoir. Imprudente, où vas-tu? Le diable te tente, t'es foutu. C'est avec grand plaisir, très grand plaisir, que je vous accueille aujourd'hui pour le dévoilement de la plaque en hommage à Madeleine Pelletier. Femme authentiquement de gauche, militante féministe courageuse et exemplaire, Madeleine Pelletier est un exemple pour notre génération, pour nos combats présents et nos combats à venir, qu'il faut continuer, et pour les droits qu'il faut continuer de défendre, et tous ceux qu'il reste à conquérir. C'est avec joie et honneur que nous accueillons aujourd'hui symboliquement le nom de Madeleine Pelletier, un nom qui résonne et qui rayonne dans notre arrondissement. Merci Madeleine, merci. Vous êtes à l'origine de la pose de cette plaque au 80-82 rue de Gergovie, à Paris, dans le 14e. Evelyne Roche-Dereux, est-ce que vous pourriez nous lire ce qu'il y a inscrit sur la plaque ? Ici exerça et vécut la doctoresse Madeleine Pelletier, 1874-1939, combattante féministe d'avant-garde. Quand Madeleine Pelletier s'y est installée, je pense que c'était en 1908, elle habitait au premier étage. Elle avait un appartement de 2 pièces, une cuisine, il y avait une petite entrée, 2 pièces, une cuisine, et donc elle y vivait, et dans la journée, elle le transformait en cabinet médical. Malheureusement, elle témoigne qu'elle a eu 2 patientes en 3 mois. Elle était femme et c'était un quartier extrêmement pauvre à l'époque. Et donc les gens n'avaient pas d'argent pour aller chez le médecin. Donc les 2 femmes qu'elle a reçues, l'une était la concierge de l'immeuble et l'autre était une femme qui est partie sans payer ses honoraires. Du coup, elle vivait de quoi ? Alors, elle avait passé le concours de médecin des PTT. Et par ailleurs, elle faisait des gardes d'urgence de nuit, qui lui permettait de survivre. Et lorsqu'elle était urgentiste de nuit, elle se promenait dans les rues de Paris avec un revolver dans la poche. Oui, bien sûr, parce que les rues n'étaient pas très sûres, effectivement, à l'époque, pour une femme en particulier, et toujours d'ailleurs. Elle décrit bien la misère, en fait, une certaine misère qui continue pour elle et sa solitude quand elle attend des patients qui ne viennent pas ou qui sont trop pauvres pour payer. Et vraiment, son métier ne l'a pas passionnée. Elle s'est, une fois médecin, elle s'est orientée vers le combat politique en privilégiant la cause féministe. Elle va développer comme féministe une théorie très originale de la virilisation des femmes en plaidant pour la disparition, le dépérissement en quelque sorte du genre féminin. Et elle l'applique aux vêtements. Je dois dire que j'ai eu toute ma vie à payer très cher l'affichage vestimentaire de mes convictions féministes. Et j'ajouterais que c'est dans les milieux dits avancés que l'on me fit le plus de critiques. Alors que ma clientèle médicale acceptait mes cheveux courts et mon costume tailleur, les socialistes, voire les féministes, ne pouvaient pas les encaisser. « Il faut changer votre costume », me disait Hervé, « autrement vous n'aurez pas d'influence. Voyez Louise Michel, elle s'habillait comme toutes les femmes. » C'était de sa part une faiblesse que je n'imiterais pas. Devrais-je, comme vous le dites, perdre toute influence? Je ne m'abaisse pas jusqu'à la sottise humaine. Tant pis pour elle, si elle refuse de me comprendre, je ne m'habillerai pas en asservie. Le costume provocant que portent les femmes est le symbole de l'offre permanente qu'elles font de leur personne à l'autre sexe. Comme la déformation du pied des Chinoises, il est la marque d'un esclavage ignominieux. Si je m'habille comme je le fais, c'est parce que c'est commode, mais surtout parce que je suis féministe. Mon costume dit à l'homme, je suis ton égale. Elle s'est retrouvée finalement stigmatisée à cause de ce choix politique du vêtement masculin, surtout dans les milieux les plus progressistes. Alors les milieux socialistes, les milieux anarchistes et les milieux féministes. Et elle explique que bon, les féministes avaient déjà sans doute, enfin c'est son explication, à vaincre tellement de résistance pour se battre pour le droit de vote, les droits civils, le droit au travail, que toucher à la symbolique du genre, à la différenciation par le vêtement, ça demandait une audace inouïe. Elle a osé se rendre ainsi, par exemple, au comité directeur, c'est pas le terme exact, mais l'instance dirigeante de la SFIO. À un moment, elle en fait partie. Et elle y va habillée comme ça. Donc, on imagine les réactions. Parce qu'aujourd'hui encore, quand on montre cette photo au public, enfin, différents publics, il y a un choc. Charles Sauerwein, est-ce qu'on pourrait revenir sur le parcours politique de Madeleine Pelletier? Est-ce qu'on pourrait retracer ce parcours en votre compagnie? Certes, elle s'est lancée dans des mouvements politiques avec des idées d'atteindre l'égalité des femmes. Et elle a été d'abord attirée par la maçonnerie. Ça surprend peut-être, puisque on voit les maçons comme un ordre masculin, s'il y en est. Et à l'époque, il y avait des féministes qui aimaient beaucoup les loges mixtes qui existaient depuis 1893. Les loges mixtes offraient aux femmes un cadre pour la discussion politique où elles n'étaient pas intimidées, puisque les maçons avaient des règles de discussion qui laissaient une tranquillité aux femmes. Alors que, comme l'écrit Pelletier dans un article très intéressant à l'époque, dans les sections socialistes, ce sont des hommes, c'est d'habitude à un café ou dans une salle à l'arrière d'un café, on fume beaucoup et il y a beaucoup d'interruptions et les femmes ont du mal à se faire entendre, à faire partie de la discussion. Donc, elle préconise la maçonnerie et elle entre dans l'obédience du Grand Orient et elle essaie de faire ouvrir la maçonnerie aux femmes. Idée qui ne semble pas maintenant avoir été possible, mais elle arrive à se faire entendue et à à faire quelques progrès. Il y a des votes qu'elle perd, mais il y a des votes pour la question d'ouvrir d'autres obédiences aux femmes. Mais finalement, lors de la constitution de la SFIO, le Parti Socialiste Unifié, en 1905, elle voit que là, c'est la possibilité de militer plus sérieusement. Et elle entre dans le Parti Socialiste et elle milite pour forcer le parti à soutenir le droit des femmes au suffrage. Ce qui emmène qu'en 1906-1907, le Parti Socialiste inscrit dans ses textes fondamentaux le soutien au suffrage des femmes. Mais de là à faire que ce soit vraiment une cause prise au sérieux par les députés socialistes, il y a quand même un chemin. Et finalement, elle arrive à faire de Jaurès et que d'autres députés font des discours en faveur du suffrage, mais ça ne va pas au-delà. Lors de la guerre de 14, elle est elle est frustrée avec son manque de progrès dans le Parti Socialiste et elle cherche pendant la guerre une voie et elle le trouve vers 1918 quand, suite à la révolution russe, la minorité du Parti Socialiste devient plus militante et jette les bases du communisme. Et donc, en 1920, quand le Parti Socialiste vote en sa grande majorité pour devenir le Parti Communiste, elle passe au Parti Communiste avec cette majorité et devient une militante très en vue jusqu'à son voyage en Russie en 1922, qui l'a malheureusement fait quelque peu déchanter. Elle a trouvé que cette société pouvait devenir trop réglementée et elle a déchanté. Elle n'a pas rompu avec le communisme jusqu'à ce que, en 1924, l'International interdit l'appartenance à la franc-maçonnerie aux militants. Là, elle préfère rester franc-maçonne et quitter le parti. Je cite, « Sous aucun prétexte, une féministe ne doit préférer le parti dans lequel elle est entrée au féminisme lui-même. Car si elle sert le premier, elle appartient au second, et rien qu'à lui. Il est permis à une femme, comme à tout individu, d'être socialiste, républicaine ou monarchiste, selon ses convictions. Mais avant tout, elle doit être féministe. Car dans la monarchie, la république ou le socialisme, elle ne comptera pas si l'égalité politique des sexes n'est pas réalisée. Alors, elle a publié énormément d'articles dans ses propres revues. Elle a créé la revue La Suffragiste qu'elle a su garder pendant plusieurs années. Elle a publié dans les revues des autres, dans les revues socialistes, communistes, anarchistes. Donc, elle était très connue des gens qui lisaient les journaux, surtout qu'elle avait aussi des ennemis. Donc, elle était bien repérée comme personnage public. Et puis, elle a publié aussi énormément d'essais. Elle a fait comme beaucoup d'intellectuels à cette époque. Elle a aussi publié des romans, des pièces de théâtre, pour faire passer ses idées militantes avec une forme plus accessible au grand public. J'ajoute que Madeleine Pelletier a utilisé l'écrit, mais aussi beaucoup l'oral. C'est une excellente oratrice. Elle participe notamment pendant l'entre-deux-guerres au Club du Faubourg qui attirait des milliers d'auditrices et d'auditeurs. C'était des débats contradictoires entre bêtes de scène et Madeleine Pelletier était régulièrement invitée. Et puis l'habitude de la franc-maçonnerie, parce qu'elle a été franc-maçonne pendant toute sa vie, explique aussi, je pense, cette aisance avec le discours. Et ça n'est pas rien, parce que finalement, pour les femmes, l'accès à l'écrit, parce qu'on peut écrire chez soi, était sans doute plus facile que l'accès à l'oral, de s'exposer physiquement avec quelque chose de si intime comme la voix, de s'exposer en public, c'était très difficile. Et ce qui est fort dommage, c'est que nous n'avons pas gardé la voix de Madeleine Pelletier. Pas d'archives. Vous l'imaginez comment, la voix de Madeleine Pelletier ? Si elle a eu l'idée de travailler sa voix, j'imagine qu'elle l'aura travaillée dans les graves. Parce qu'elle a parfaitement conscience aussi que la voix, c'est du culturel, et que la voix aiguë et des femmes, ou l'insécurité linguistique des femmes, hein, comme on le dit aujourd'hui, doivent être combattues. En 1933, quand elle sort Une vie nouvelle, donc ce roman utopique, on y trouve vraiment aussi dans ce roman toutes ces idées d'avant-garde qui concernent aussi la sexualité. Alors, elle synthétise dans ce roman utopique, donc elle imagine une société nouvelle, post-communiste, on pourrait dire, dans laquelle une nouvelle morale sexuelle existe. Le couple n'existe plus, la parentalité non plus. Les enfants sont confiés à des institutions d'État à leur naissance, et ça ne prive aucunement les parents. Et elle estime que c'est mieux pour l'éducation des enfants aussi. Évidemment, la liberté de procréer ou pas est garantie. Il y a des moyens de contraception et d'avortement pour celles qui en auraient besoin. Donc c'est une société de liberté sur le plan sexuel. Elle parle aussi de l'homosexualité. Alors ça, c'est une des grandes questions que je me posais à son sujet, parce qu'elle a développé un féminisme extrêmement critique à l'égard du système qu'on pourrait dire aujourd'hui hétéro-patriarcal. Vraiment. La contrainte à l'hétérosexualité, elle en parle beaucoup. C'est aussi ça qui fait écho aujourd'hui, hein, dans le féminisme de la deuxième et de la troisième vague. C'est qu'elle soit aussi lucide et critique sur le caractère sexuel de l'oppression des femmes. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'elle-même donc choisit de renoncer à éduquer sa sexualité, elle emploie un mot comme ça, elle ne cultive pas ce sens-là, cette dimension-là de son être, sans aucun regret. Elle n'éprouve aucune frustration, aucun désir particulier, semble-t-il. Elle n'était pas obligée non plus de tout dire. Donc, on peut-être quand même se questionner, est-ce que toute sa vie, elle est restée sur cette ligne-là, qui implique beaucoup de solitude quand même. Hein. Elle s'en plaint. Hein. Elle souffre plus du manque affectif que du manque sexuel. Vraiment, voilà, elle dit « je n'ai pas fait l'éducation de mon sens génital ». Donc sa voie d'émancipation à elle, c'est le célibat et la chasteté. Je ne me marierai pas, et il est probable que je ne prendrai jamais d'amant, parce que, dans les conditions actuelles, les relations sexuelles sont une source de diminution pour la femme qui est mariée et de mépris pour celle qui ne l'est pas. Ma virginité n'est pas une cause de souffrance, et je suis convaincue d'avoir ainsi choisi dans la vie la voie qui me convient le mieux. Mais une telle manière, vous le comprenez, ne peut être prêchée comme définitive. Elle n'est que la conséquence de la situation injuste qui est faite à la femme. Vous avez choisi, Félicia Gordon, un extrait qui met en valeur le militantisme de la chasteté de Madeleine Pelletier. Justement. Est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là que la revendication de la virginité, de la chasteté de Madeleine Pelletier était un acte de foi féministe ? Absolument, oui, oui. Et comme elle dit, c'est pas parce qu'elle détestait ni la sexualité, ni les hommes. Oui. Aussi, elle lisait pas mal de Freud. Elle savait très bien que la sexualité était une, comme elle dit, beaucoup plus importante qu'on n'avait pensé. Elle réclamait finalement le droit aux femmes de libre amour, mais malheureusement, dans l'état présent de la société, elle trouvait que ce n'était pas une possibilité pour elle. Après la déclaration, si vous voulez, du célibat, en 1911, elle avait publié le droit à l'avortement, et ça suit aussi la déclaration des droits sexuels des femmes et l'importance, finalement, de la contraception et de l'avortement, comme pis-aller, si vous voulez. Elle faisait partie des groupes néo-malthusiens, n'est-ce pas, qui pratiquaient et qui enseignaient des méthodes contraceptives. À ce moment-là, alors, il y avait évidemment des conséquences. Après la saignée des gens après la Grande Guerre, c'était même la même chose en Angleterre. Les pronatalistes, comme on dit, sont revenus en force. Et le fait qu'elle pratiquait les avortements, mais, bien qu'elle niait, enfin, j'ai trouvé des lettres où elle niait qu'elle pratiquait des avortements, mais elle les pratiquait. De plus en plus dans un climat où c'était très dangereux. Ces idées sont tellement radicales sur le néo-malthusianisme, qui est une partie importante de sa vie. Là, elle a contre elle les pouvoirs publics, la loi de 1920 qui va interdire aux militantes et militants néo-malthusiens de s'exprimer publiquement. Donc là, évidemment, son discours n'est pas vraiment relayé. Et sa théorie de la virilisation des femmes est très impopulaire parmi les féministes. Alors, elle dit souvent qu'elle est née trop tôt, plusieurs siècles trop tôt. Elle a ressenti beaucoup de solitude. Elle a quelques amis avec lesquels elle correspond, comme la féministe qui a vécu longtemps près de Toulouse, Ariali. Mais son radicalisme, à la fois théorique et pratique, parce qu'elle est radicale aussi sur les moyens d'action à envisager pour le féminisme, c'est pas seulement des idées radicales. Elle admire beaucoup les suffragettes anglaises, par exemple. Donc elle se sent très limitée dans un pays comme la France et avec un mouvement féministe qu'elle juge très timoré et complètement... aliénée par cet idéal de féminité qui est très fort en France. Donc là, elle est piégée par ça et elle fait partie, d'une certaine manière, des vaincus de l'histoire, temporairement, puisque la deuxième vague du féminisme, après mai 68, va remettre au goût du jour, en partie, hein, ce radicalisme féministe. Malgré un contexte social et politique très lourd, Madeleine Pelletier continue à militer. Et même si elle se sait étroitement surveillée, elle publie en 1935 « La rationalisation sexuelle », un essai qui défend entre autres l'avortement. Mais sa vie intellectuelle et militante est stoppée net en 1937, année où elle est frappée d'hémiplégie. Puis en 1939, elle est accusée d'avoir participé à l'avortement d'une jeune fille de 13 ans violée par son frère. Alors que ses soi-disant complices écopent de peine de prison, Madeleine, elle, va être internée d'office. Là, on vient de remonter l'allée. On est passé tout à l'heure devant la petite loge du gardien. Là, on arrive devant l'entrée principale avec le bâtiment de l'administration, la grande horloge et la devise « Liberté, égalité, fraternité ». On peut imaginer... que ça a dû représenter pour Madeleine Pelletier d'arriver ici en fourgon cellulaire, certainement, elle qui était tellement éprise de liberté. Après un passage à Sainte-Anne, où plus de 30 ans auparavant elle avait fait son internat, Madeleine Pelletier est internée à l'asile psychiatrique de Péré-Vaucluse. La porte, l'ancienne porte. Oui, l'ancienne porte. Ici, c'était clos entièrement. porche monumentale. Là, c'est les bâtiments de l'administration. Il y avait l'économa et les bureaux de la direction et puis des logements de fonction. Et là, on arrive dans la cour d'honneur, qui a très peu changé hein, depuis l'époque où Madeleine Pelletier est arrivée, hein, mai 1939. Deux magnolias, un de chaque côté, des réverbères, un parterre avec des massifs, et puis derrière le bâtiment des services généraux. Des galeries de part et d'autre. Et quand on arrivait ici, en fait, on est en parfaite symétrie. À gauche, c'était pour les femmes, et à droite, pour les hommes. On peut lire, je cite, « Premièrement, la doctoresse Pelletier doit être considérée comme étant en état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal. Deuxièmement, elle présente une hémiplégie droite avec contraction qui la rend totalement impotente. Elle a des troubles du jugement qui annoncent un début d'affaiblissement intellectuel artériosclèreux. Actuellement, elle doit être considérée comme entièrement irresponsable de ses actes. Troisièmement, l'effet de son inculpation montre qu'elle peut être encore une cause de trouble pour l'ordre public et de danger pour la sécurité des personnes. Ce sont les conditions nécessaires pour que soit prise un arrêté de placement d'office. Il figure comme ça sur le livre de la loi de Perret-Vaucluse. Alors là, on rentre dans un des bâtiments qui fait partie de l'aile des femmes, bâtiment dans lequel Madeleine Pelletier a certainement été. De grandes fenêtres. C'est un bâtiment dans lequel les lits étaient donc alignés côte à côte, le long des murs, avec une travée centrale et puis une petite chaise au pied de chaque lit. Aucune cloison, aucune intimité. Florence Itoleu, vous êtes en train de préparer un documentaire audiovisuel sur Madeleine Pelletier. L'endroit où nous sommes, Perret-Vaucluse, correspond donc aux 6 derniers mois de la vie de Madeleine Pelletier. Est-ce qu'on a des renseignements sur son vécu, ses journées, son quotidien? Alors on sait qu'elle était très seule. On sait qu'elle y a été très malheureuse, abandonnée par la plupart. Elle avait très peu d'amis, mais là, elle s'est sentie encore plus isolée. La seule personne qui soit venue lui rendre visite, c'était Hélène Brion, une institutrice qui entretenait des relations d'amitié avec elle et qui, d'ailleurs, a retranscrit ses mémoires tout à fait à la fin de sa vie. Comme elle n'était plus en état d'écrire elle-même, puisqu'elle était hémiplégique, paralysée du côté droit, c'est Hélène Brion qui a retranscrit les mémoires de Madeleine Pelletier dans un livre qui s'appelle « Anne, dite Madeleine Pelletier ». Voilà comment en France on traite les femmes qui se distinguent au point de vue intellectuel. Arialy s'est suicidée, et moi je suis dans une maison d'aliénés. Venez me voir, je vous en supplie. Mon état général est mauvais, j'ai des occlusions intestinales à chaque instant. Je ne peux manger la nourriture d'ici. J'en suis réduite à un peu de lait et de pain et de la purée. Venez jeudi, on permet que j'écrive mes mémoires. Bonnes amitiés, le docteur Pelletier. Ensuite, dans le livre de la loi, la seule information, c'est affaiblissement intellectuel. Ce qui est quand même un peu pauvre et un peu frustrant pour quelqu'un qui voudrait en savoir plus long. Enfin, en tout cas, alors la dernière note, décédée 29 décembre 1939, à 6h05, apoplexie cérébrale. Une de ses amies écrit à Hélène Brion le vendredi soir, 29 décembre 1939, « Madame, je rentre de l'asile de Vaucluse où j'ai été appelée par le directeur. La pauvre Madeleine Pelletier n'est plus. L'enterrement n'aura pas lieu avant mardi. En me rendant à l'asile, j'avais une peur que les sœurs et compagnie n'eussent tiré de Madeleine Pelletier affaiblie quelques promesses qui auraient été la négation de toute sa vie. Mais il n'en est rien. Et si la préfecture me donne assez d'argent, elle avait 13 000 francs à Madeleine Pelletier, je me propose de la faire incinérer. Madame Amel Joukov. Donc, les informations que l'on a sur ces derniers mois de vie, nous les avons grâce à ses propres écrits à elle. Est-ce qu'on a des traces à l'hôpital de son passage ? Donc, on a des registres avec la date d'entrée, la date de sortie, la date de décès et la date d'inhumation. Son dossier médical a disparu. Charles Sauerwein dit en avoir retrouvé la trace en Russie. Mais en tout cas, à Père-et-Vaucluse, le dossier médical n'est plus là. C'est curieux, disons, c'est très curieux. Ce dossier a été soit vidé, soit on a pris soin de ne rien mettre d'important. Il y a la date de son entrée à l'asile et presque rien d'autre avec l'indication de la mort des séquelles de son hémiplagie antérieure. Et ce dossier pose beaucoup de problèmes. D'abord, quand j'ai commencé à m'intéresser à Madeleine Pelletier en 1970, le dossier n'était pas là. Tous ces dossiers-là avaient été mis aux archives qui, suite à la guerre, par un procès assez curieux, ont été pris par des troupes américaines, mais donnés ensuite aux troupes soviétiques. Et donc, tous ces dossiers se trouvaient en Russie. Et c'est après la fin de la guerre froide, après la chute du mur, que petit à petit, les Russes ont commencé à retourner des archives volées des pays de l'Europe de l'Ouest. Et donc, ce dossier de Madeleine Pelletier à Père-et-Vaucluse figurait parmi ces dossiers. Et finalement, vers la fin du siècle passé, j'ai pu accéder. Mais imaginez ma déception quand je n'y trouvais rien. Et je dois dire que quand je me sens prêt à avoir des soupçons sur toute cette affaire, ce dossier vide alimente mes soupçons. Pourquoi ils n'ont pas mis davantage de renseignements sur cette femme? Ils savaient bien, tous les psychiatres qui établissaient les dossiers, savaient bien très bien qui elle était, son passé, elle était très connue. Alors de ne rien dire là-dessus, ça me surprend. À votre avis, pourquoi? De deux choses l'une. Soit les psychiatres qui la traitaient à l'asile croyaient qu'elle était réellement malade ou mentale, dans lequel cas ils auraient dû faire état dans les registres de traitement, de conversation, de son comportement. Alors, ils ne font rien. Soit ils savaient que c'était une sorte de, disons, prisonnière politique, n'est-ce pas? Elle était là puisqu'elle avait prôné le droit à l'avortement, donc c'était une cause dont on ne voulait dire mot et on ne voulait pas s'exposer sans doute à la possibilité qu'on dise qu'ils avaient interné quelqu'un pour des motifs non valables. Donc ils n'ont rien dit. C'est mon sens de la chose, mais je n'ai pas d'évidence à part ce que j'ai vu ou pas vu. Nous sommes à l'intérieur du cimetière de l'asile de Père-et-Vaucluse. En 1966, il y a eu un avis aux familles qui a été proclamé pour que le transfert des sépultures se fasse, puisque le cimetière a été fermé en 1966. Et les familles ont dû récupérer les corps de leurs proches. Il y a 2063 corps qui n'ont pas été réclamés, et dont le corps de Madeleine Pelletier. Je peux aller un peu plus vers le fond. Le numéro de sa tombe, a priori, était le numéro 127. Et comme la tombe n'existe plus... On se trouverait donc, Florence Citoleu, exactement à l'emplacement de là où aurait été la tombe de Madeleine Pelletier. Donc on a de l'herbe sous les pieds, des fleurs parme et violette tout autour de nous, et ces grands tilleuls face à nous. Oui, on est dans un endroit très, très paisible, très beau, et d'imaginer qu'elle est là, sous nos pieds. Aucune pierre tombale, aucune stèle, aucune plaque. C'est un peu douloureux. Oui. Elle qui a tellement lutté, combattu pour des sujets qui sont, pour certains d'entre eux, toujours d'actualité. Effectivement, pas de traces de son passage. C'est émouvant. Elle avait une vie triste, oui. Je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a émue. Ça me rend triste. Elle a vécu pour ses luttes. Et c'est tout ce qui a compté dans sa vie. Pas d'affection. Donc c'est aussi cette vie de solitude qui vous a touché? Oui, parce que je me dis que les années 70, par exemple, ça a été la joie, l'humour, le plaisir d'être ensemble... Voilà, l'amour, c'est des années, enfin bon, ces années-là sont parmi les plus belles années de ma vie, peut-être les plus belles années de ma vie, faut pas que j'aie peur de le dire. Et donc, elle a loupé ça. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Elle dit d'ailleurs dans un écrit qu'elle est née trop tôt. Je crois que c'est la formule qu'elle utilise. Oui. Oui, elle est née trop tôt et c'est pas facile, parce qu'elle n'a pas été comprise. Madeleine Pelletier, une femme d'avant-garde. Un documentaire de Céline Duchesnay réalisé par Christine Robert. Avec Christine Barr, Michel Kerr, Félicia Gordon, Evelyne Rochedreux, Florence Citoleu, Charles Sauerwein. Un très grand merci à Florence Rochefort qui m'a fait découvrir Madeleine Pelletier, ainsi qu'à Sylvie Chatillon, Dominique Baye, Patrick Otto et Raymond Gérard pour leur aide précieuse. À la technique Yvan Turc. Mixage, Bruno Mourlan. Attaché de production, Claire Poinsignon. Coordination, Irène Omelianenko. Thank you. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 septembre 2017. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site de France Culture ou encore sur l'application Radio France.